français. Rap du Nord qui vient d'ici, l'excite la chanson. C'est le quartier mort comme domicile, égo trip sensé. SM3 le nom du possible, le message est passé. Tracé, le décor, les dossiers. Pas de superflu autour de l'écriture. Ton mépris, frère, garde-le pour toi, vois tes critères. Nos rimes décrivent nos vies, donc bien sûr elles sont vraies. Si on l'écrit, c'est pour éviter de voir le rap sombré. Chacun fait à son gré, mais chaque chose a son prix. La vie est chère, protège les tiens quand l'avenir s'assombrit. Le droit chemin est cintré, car l'argent est attrait, mais rien n'est tracé. Puis dans l'absolu, c'est juste un trait. On y met nos cœurs, nos passés, nos cicatrices. On fait part de nos peurs et de ces choses qui attristent. On aime aussi quand ça bouge, quand l'ambiance est chaude. SM3, ODS Lab et Quartel Pro. Fais gaffe, j'ai ça dans le sang. Du pop underground, 0-200. Je représente méga mécra. Appelle nous et on descend. Ça vient du secteur dead, quartier mort. Incessant, style indécent. Si on flambe, on peut. Les autres sont essence. On m'a qu'incandescent. Avec mes refs, c'est du son. Même tu le sens. Voilà non plus pour être oppressant. On se présente. SM3, ça devient pressant. ODS, c'est récent. T'as raison, t'entends son. Donc y'a un stressant. Très sans tout trip électro. J'ai l'écro, et oh, c'est puissant. Style au point, plus jamais épuisant. Distant, des autres MC, je veux pas être blessant. On n'a pas les mêmes vues d'ensemble, peut-être je deviens méprisant. Eric, 7 ans, je suis dans le loup, je suis dans le bon sens. Bon sang, quand mes potes les vrais, ben ça serait lassant. La classant, notre terme, bro, et tu le sais à 100% dans mon cœur, dans mon corps et dans mon sang.